Et nous accueillons aujourd'hui Malo Lafleur, interviewé par Bruno Fleury. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour Malo, le futur est un poème. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui nous recevons une voix rare, un artiste libre, un homme qui avance entre l'océan et les mots. Malo Lafleur. Malo est poète, surfeur, voyageur du futur. Il écrit des poèmes comme d'autres trace les vagues. Il dit une chose simple et bouleversante. Le futur est un poème. Avant d'explorer cette vision poétique du monde, nous allons comprendre d'où viennent ces mots, comment la poésie s'est imposée à lui et quel lien intime il entretient avec la santé mentale. Malo, tu viens du Pays Basque, d'un territoire de lumière, de vent et d'océan. Comment ce paysage, ce rythme, cette puissance ont-ils façonné ton rapport au monde ? Je dirais que la nature a eu un rôle très important dans mon parcours et dans mon point de vue sur les choses. Tu parlais de rythme. Le rythme de l'océan, c'est un rythme qui est particulier. On le remarque quand on va sous l'eau, quand on s'immerge. Tout est plus lent, tout est plus sourd. On est en apesanteur, donc il y a quelque chose de beaucoup plus doux. Et j'ai très vite compris que c'était dans ce rythme-là que j'avais envie d'aborder les choses. C'est pour ça que j'ai très vite aimé le surf, alors que j'avais très peur de l'eau quand même. Et que finalement, dans le surf, j'ai aussi trouvé tout l'aspect méditatif, parce qu'on passe beaucoup de temps à attendre. Et je crois que ça m'a appris à passer beaucoup de temps avec moi-même et à réfléchir et à adopter une position d'observateur plus que d'acteur. Ok, et comment tu en es venu finalement sur le fond à la poésie, par cette attente ? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'à la base, on développe un fort esprit intérieur, sachant que moi, petit, j'étais plutôt actif. Je faisais beaucoup, beaucoup de sport, je faisais très peu d'activités artistiques, en fin de compte, même si j'aimais ça, dans le fond, ça m'attirait énormément, mais moi, c'était plus le sport, et puis à la maison, c'était plus le sport. Donc c'est vers là que je me suis tourné, et c'est vers là que j'exprimais tout ce que j'arrivais pas à exprimer, justement, c'était par l'activité. Et puis un jour, les chemins de vie font que les choses changent et qu'on a besoin de se réfugier ou de se trouver ou de comprendre ce qui nous arrive par nos expériences. Mmh. Et je pense que moi, c'est dans l'écriture que j'ai pris le recul nécessaire pour comprendre ce qui m'arrivait. Donc justement, la poésie, est-ce que c'était pour toi un échappatoire, une nécessité ou un appel que tu ne pouvais pas ignorer sur le fond ? En fait, je pense pas que ça a été un appel. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait. Je me suis mis à écrire. Je me suis mis à écrire parce que j'aimais la chanson, parce que j'aimais les films, parce que j'aimais la rythmique des phrases. Donc j'ai commencé par écrire des chansons, puis j'ai écrit des bouts de romans. En fait, je me suis essayé à plein de styles différents, avec toujours des thèmes qui revenaient. Et je pense que ça a été, par la force des choses, thérapeutique, même si c'était pas ça que je cherchais là-dedans. Et ton slogan est le futur est un poème. Et j'aimerais bien savoir ce que ça signifie sur le fond pour toi, quoi. Alors, le futur est un poème. En gros, le vrai slogan, c'est le futur est un poème et les gens sont des mots. Et ça veut dire que le futur, c'est ce qu'il nous reste à écrire. Et peut-être que passer par la poésie pour écrire ce qui nous attend, c'est une belle manière, plutôt que d'être dans un monde très pragmatique, très binaire. La poésie apporte énormément de nuances, apporte énormément d'espoir, d'imaginaire. Oui, il y a de la poésie sombre, mais il y a toujours une issue lumineuse. Je pense que la poésie est là pour ouvrir le champ des possibles, plutôt que de le réduire. Et je pense que la poésie, le futur est un poème et les gens sont des mots. ça résume très bien. En fait, il faut l'écrire ensemble et il faut accorder les gens ensemble pour créer une espèce d'harmonie qui vienne nous faire vibrer, parfois même sans comprendre pourquoi ou comment. C'est donc pour toi plutôt une philosophie, un manifeste, une manière d'habiter le monde autrement ? C'est tout ça à la fois. Ouais, je pense que en ce moment, je suis aussi dans un autre slogan qui est la poésie is the new punk. Et en fait, c'est vrai, c'est que la poésie, ça vient bouleverser les codes et on est dans une époque où on sait qu'on arrive au bout de quelque chose, qu'on arrive à saturation d'un système, et qu'il faut réécrire quelque chose et passer par la poésie, qui est quand même le genre littéraire le plus accessible. Je pense que c'est une bonne solution. Et justement, la poésie, dans ton équilibre, quel rôle elle a ? Je pense que c'est central. La poésie, on parle beaucoup d'écrit, on parle beaucoup de littérature, et dans ce cas-là, on parle de poésie académique. Moi, je vois la poésie comme un regard posé sur le monde et comme une candeur qu'on a oubliée ou qui a disparu ou qu'on a été forcé de supprimer de nos réflexes. Pour moi, c'est très important de se souvenir de l'époque où tout était merveilleux, où il n'y avait pas toutes les barrières qu'on nous a demandé de mettre et où on ne remarquait pas la différence même entre un animal et un humain. Avant 3 ans, quoi. Avant 3 ans, avant 6 ans, avant 7 ans. Je pense que tout démarre à 7 ans, l'âge de raison. Ouais, je pense que tu as raison. Tu as raison, mais finalement, est-ce que c'est un refuge, un outil, une respiration pour toi, le fait d'écrire toute cette poésie, de créer en permanence et je te sais en permanence en ultra-création, avec toujours un calepin ou avec ton téléphone où tu peux prendre des notes, t'enregistrer. C'est vraiment très important. Ça te permet de traverser certains questionnements ou certaines turbulences, peut-être. Je sais pas. Je pense que, justement, l'écriture que j'ai, elle est plutôt automatique. Elle n'est pas réfléchie, elle est assez spontanée. Et c'est mon exutoire. Effectivement, j'aime avancer de manière créative. Je pense que c'est mon truc à moi. Il y en a qui ont le cerveau fait autrement. Et moi, c'est vrai que l'hyperactivité que j'avais quand j'étais petit, je la reconnais aussi là-dedans. En fait, je m'ennuie très facilement, je me lasse très facilement. Il semblerait, oui. Ouais. Et j'aime... En fait, j'ai choisi la poésie parce que ça me permettait de faire ce que je veux. Si un jour je veux faire du dessin, c'est de la poésie. Si un jour je veux faire de la danse, c'est de la poésie. Si un jour je veux faire de la musique, c'est de la poésie. Et en fait, je pense que les artistes, on parle tous le même langage. C'est juste qu'on a trouvé un médium différent pour l'exprimer. Parce que quand je parle avec des danseurs, avec des musiciens, avec des peintres, avec des artistes plasticiens, on parle tous de mouvement, de texture, de couleur. Je pense qu'on est tous... la même chose, et que moi, mon médium, c'est les mots, parce que c'est ce que j'ai travaillé le plus jusqu'à présent. Et est-ce que tu pourrais dire, par exemple, que les créations artistiques, justement, peuvent être une aide pour les jeunes, pour contribuer à la santé mentale des jeunes, des adultes, ou de toutes celles ou tous ceux qui en doutent, qui doutent? Alors, quelle que soit l'activité créative, bien sûr que ça aide. Enfin, la danse est un énorme facteur de confiance en soi. L'écriture permet de prendre du recul par rapport à une situation et de la voir avec tous les éléments nécessaires et de prendre les meilleures décisions possibles. Moi, je pense que c'est ça aussi qui m'a sauvé quelque part, c'est de relativiser et de voir le problème avec plus de distance. Parce qu'on regarde de trop près nos vies. On regarde de trop près, on se rend pas compte qu'on est trop près pour y voir clair, on y voit flou. Et là, typiquement, je sors d'une médiation culturelle avec Luigi, avec qui on fait de la musique, au collège Camus. Et on voit comment la musique, ça change l'état d'esprit des enfants. 3 notes de musique, et les enfants qui sont absolument dissipés viennent se calmer, se recentrer, et sont absolument dans l'instant, dans la tâche. Et pour moi, c'est ça l'activité créative, c'est répondre à un appel, à une urgence de créer sur l'instant. Et c'est une histoire de sincérité aussi, comme quand on est dans la création, on enlève le jugement. En fait, on ne peut pas avancer correctement dans la création en jugeant. Et donc, ça nous permet aussi de se rendre compte que finalement, le jugement, c'est un frein. plus qu'un moteur. Et donc, petit à petit, en créant, le jugement s'enlève de plus en plus et on est vachement plus dans l'acceptation de l'autre. Et je pense qu'à la fois, oui, ça nous fait du bien à nous, mais ça nous permet aussi, parce que ça nous apporte de la confiance, d'être bien avec les autres. Ouais, c'est vraiment très fort, hein, ce que tu es en train d'exprimer là. C'est y a un très très beau message derrière. En même temps, tu es surfeur. Le surf est un art du mouvement, de l'instant. Y a-t-il un lien pour toi entre écrire un poème et prendre une vague? Oui, je parle beaucoup de la rythmique. Dans le surf, il y a le sens du timing. On est en train d'avancer sur une vague qui est en train d'avancer. Et on ne peut pas décider de ce que la vague fait. La poésie, c'est ça, c'est ne pas décider de ce qu'on écrit et pour autant s'adapter de la meilleure manière possible, en donnant le meilleur rythme possible dans l'enchaînement de mots. Ouais, moi je vois un parallèle, je suis certainement le seul à le voir, mais je pense que c'est ça aussi, la poésie, c'est de croire en son propre mode de fonctionnement, et les autres le sentent, même s'ils n'y comprennent rien, et c'est très souvent les textes les plus abstraits que j'ai écrits, qui font sens pour moi et qui ne font sens pour personne d'autre, c'est ceux qui touchent le plus, parce qu'on a accès justement à l'intime, et il n'y a rien de plus universel que l'intime. Et donc en fait, tu retrouves la même fluidité et la même quête de liberté entre le surf et la poésie. C'est bien ça qu'on doit comprendre? Oui, je pense que l'élément central de ma vie, c'est la liberté. Je suis très attaché à ma liberté et c'est parfois compliqué parce que qui dit être attaché à sa liberté dit ne pas pouvoir s'établir au long terme. Mmh. Et c'est à la fois génial... Pardon, et à la fois magnifique, parce que c'est vrai que de temps en temps, on a envie aussi d'avoir la même vie que tout le monde. C'est clair. Et l'océan, pour toi, donc, est plutôt un maître, un miroir ou un partenaire de création? Comment tu vois les choses? C'est un copain. Un copain fidèle? Je pense que c'est moi qui lui suis fidèle. L'océan est toujours là, mais on est très dépendant de l'océan quand on est surfeur. Et il faut faire attention à ce que justement ce ne soit pas l'océan qui dicte notre humeur. Mais oui, il y a une espèce de relation amicale. Mais c'est au-delà de ça, je pense que c'est une relation un petit peu mystique, mais comme on l'a avec la nature. Et moi personnellement, ça me fait reconnecter à la nature et ça me fait me rendre compte que en voulant nous faire du bien et être l'espèce la plus évoluée, et ben on lui fait beaucoup de mal. Et qu'indépendamment, quand on lui fait du mal, elle nous répond et elle nous fait du mal. Donc quand on lui fait du mal, on se fait du mal. Et pour revenir sur ton slogan, le futur est un poème, est-ce que tu parles d'un futur plutôt à... inventer, à ressentir ou à rêver? Et bien justement, c'est ça qui est magnifique avec la poésie, c'est que j'ai juste à dire une phrase et les gens se créent leur propre histoire. Donc je dirais que ça peut être tout ça et bien plus. Et quel message tu souhaiterais transmettre à ceux et à celles qui nous écoutent et qui parfois doutent de demain? Moi je dirais que le doute c'est sain. C'est très sain, c'est ce qui nous fait avancer dans la bonne direction, c'est ce qui nous fait nous poser des questions. Donc plutôt que d'avoir peur de nos doutes, il faut réussir à vivre avec et à en faire un ami, parce que le doute peut être beau. Tout est une histoire de point de vue. Chaque chose qui nous arrive est du positif et du négatif. Si on se concentre sur du positif, le doute devient notre ami et supprime les peurs. Et en fait, je pense que c'est ça, il ne faut pas se laisser guider par les peurs. Et le doute, c'est la peur. Et la peur, ça enferme, alors que l'espoir, ça ouvre. Mais en tout cas, nous, on espère te voir très prochainement sur scène au Pays Basque et ailleurs, hein, parce que je sais que tu joues également à Paris régulièrement dans divers théâtres, sur diverses scènes. Ton spectacle, qui est vraiment, pour l'avoir vu plusieurs fois, qui est vraiment très prenant, qui est vraiment drôle, qui est vraiment émouvant par moments, qui est vraiment très particulier, mais très chouette, où chacun peut venir chercher un petit morceau de soi dans ce que tu proposes sur scène et qui interpelle, qui donne des réflexions. Tu as des textes qui sont tellement puissants par moments que ça laisse le spectateur réfléchir et il repart avec un joli cadeau. Donc en espérant te retrouver à la Luna Negra ou je ne sais où, en tout cas on peut aller sur ton Instagram bien sûr et aller sur tes réseaux hein, pour te suivre parce que ça c'est important, voir comment tu évolues et que tu puisses nous proposer prochainement de belles dates. En tout cas Malo, merci beaucoup de ta sincérité, merci de nous rappeler que la poésie n'est pas une fuite, merci de ta manière d'habiter l'avenir. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et souvenez-vous que le futur est un poème. Merci beaucoup. Et si vous aussi, vous souhaitez partager votre passion au micro, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mais aussi par mail, radiocotebasque@gmail.com. Malo, merci beaucoup. Merci à vous. Malo.